Maurice Leblanc, La clé rouge. Oh, la haine! Une fois dans ma vie, je l'ai vue de près, la vraie, celle qui se tait, attend des années pour s'assouvir et jouit implacablement des vengeances monstrueuses qu'elle élabore. Toute mon enfance est liée au souvenir de deux camarades, Hubert de Pleucadine et Rodolphe d'Arvan. Ensemble, nous fîmes nos études, ensemble, notre droit à Paris. Nous n'avions pas de secrets entre nous, et j'aimais autant le pâle et débile Hubert que le vigoureux et puissant Rodolphe. Puis l'existence nous sépara. Ils retournèrent dans leur pays, au fond du Morbihan. Nos lettres, d'abord fréquentes, s'espacèrent, et je n'entendis plus parler d'eux. C'est l'an dernier, au cours d'un voyage en Bretagne, que je les revis. Ils habitent deux manoirs voisins, le long de la lande de Lanvaux, deux vieux manoirs à murs crénelés et à douves profondes. Chacun vit seul, mais tous les jours, ils se retrouvent chez l'un ou chez l'autre à l'heure du souper et passent leurs soirées ensemble. Le dîner eut lieu chez Hubert, dans une haute salle dont la cheminée bâillait tragiquement. On mangea, on but et l'on parla beaucoup. Or, au café, je dis « Voyons, Hubert, j'ai lu, il y a quelques années, l'annonce du mariage d'un Pleucadine. Était-ce toi ?» Un lourd silence pesa. Les coudes sur la table, Hubert serrait entre ses poings sa mince figure blanche. Puis il eut un petit sourire froid, et ce fut d'une voix presque indifférente, et où cependant je percevais parfois une sorte de tremblement, qu'il me répondit « C'était moi. J'ai aimé une seule fois dans la vie, et celle que j'ai aimée consentit à devenir ma femme. Nous fûmes très heureux, et dites-moi. Tu te souviens, Rodolphe, combien nous fûmes heureux? Elle était si belle, et je l'aimais tellement. » Elle m'aimait beaucoup aussi, d'abord, d'un amour frais et ingénu, et sa pureté faisait que j'osais à peine la toucher, comme si chacun de mes baisers se fût adressé à une vierge. Or, écoute bien, j'ai dû m'absenter pendant 6 mois. Et quand je revins, elle me prit à part, et voici l'étrange langage qu'elle me tint. « Hubert, je ne t'aime plus. » Elle dit cela posément, les yeux dans mes yeux, et sans pitié, elle ajouta « J'en aime un autre auquel j'appartiens, tu entends, un autre qui est mon amant. » Était-elle folle? Son regard avait quelque chose d'inquiétant et sa voix était bizarre et je sentais qu'elle parlait malgré elle, sous l'influence d'une force intérieure et toute puissante. J'eus envie de la tuer, puis j'éclatai en sanglots et vraiment, je ne croyais pas que ce fût vrai, non, je ne pouvais pas le croire. Mais elle écarta mes mains et me dit méchamment « Ce n'est pas l'heure de pleurer, il faut examiner ce que nous avons à faire. » Je comprends que tu perdes la tête. Moi, voici des jours, des semaines que je réfléchis, et je sais tout au moins 2 choses. La première, que je ne veux plus vivre avec toi, et la seconde, que je veux vivre avec lui. Seulement, comme je respecte ton nom, et qu'il ne faut pas que ton honneur soit entaché, ni que toute ta vie soit perdue à cause de moi, voici ce que je te propose. » Et elle me fit cette incroyable, cette stupéfiante proposition. Je vais mourir. Comprends bien, je ferai semblant de mourir. Si tu t'y prêtes et que tu n'oublies aucune des précautions que je t'indiquerai, nul ne s'apercevra de la supercherie. Le caveau de notre famille est spacieux, à l'écart. Le soir même, tu en enverras la clé à celui dont tu trouveras le nom, après ma mort, écrit sur un papier dans ce tiroir. Voilà ce qu'elle me proposa, mon cher. En vérité, cela pouvait-il naître ailleurs que dans un cerveau de femme? Et fallait-il qu'il fût détraqué par la passion? Édith, la gracieuse et tendre Vierge, prononçait de telles paroles, et avec une telle volonté, un tel acharnement féroce, et je sentais qu'elle avait combiné tout cela amoureusement, comme une chose possible dont son bonheur dépendait, une chose que je n'avais pas le droit de refuser, sans quoi elle s'en irait en plein jour et vivrait avec lui et se donnerait à lui devant tous. Et rien ne l'aurait arrêté, rien, j'en eus la conviction irrésistible. Alors j'ai accepté. Je le regardai avec étonnement, il était très calme. Il bourra sa pipe, l'alluma et reprit d'un ton léger. Ma foi, oui, j'ai accepté. Que veux-tu ? Il n'y avait pas à choisir, elle serait partie la matine, autant qu'elle partit à l'insu de tous. C'était le seul moyen que cela restât entre nous, entre elle, moi et lui. Et elle mourut. Elle mourut d'un transport au cerveau. Par égard pour mon désespoir, on me laissa la veiller seule, l'envelopper dans son suaire, l'enfermer dans son cercueil. Et tout cela ne manquait pas de nous amuser. Nous rions beaucoup, elle et moi. Ce petit jeu nous semblait comique. Sur l'honneur, je n'eus pas une parole de reproche et mon adieu fut exempt de colère. « Je te pardonne, lui dis-je. » Et je clouai le cercueil consciencieusement, sans oublier un clou. L'enterrement eut lieu. Ce fut très triste, tu te souviens, Rodolphe. Ma douleur frappa tout le monde, une douleur muette, sans larmes. On la descendit au sépulcre. Moi-même, je refermai la porte et j'emportai la clé dans ma poche. Telle est l'histoire de mon mariage. Il se leva et se mit à marcher en sifflotant, comme si l'aventure était terminée. « Eh bien ?» lui dis-je un peu anxieux. « Eh bien, quoi ?»« Mais la clé !»« Quelle clé ?» Il eut l'air de réfléchir, puis s'écria « Ah oui, la clé du tombeau ! Ma foi, j'avoue que j'ai été fort embarrassé. Figure-toi que je n'ai jamais pu mettre la main sur le papier où ma femme avait inscrit le nom de son amant. Avait-elle oublié cette formalité ? Avais-je mal compris ? J'étais fort en peine. À qui envoyer cette maudite clé ? Je pensais du moins que la chose avait été entendue entre eux et tous les jours, j'attendais que le monsieur vînt me réclamer sa maîtresse. Personne n'est venu. Dans le grand silence, une sorte de râle passa. Je regardai Rodolphe. Il était blanc comme un linceul et ses lèvres balbutiaient des mots inachevés. Alors, j'eus l'intuition brusque de l'épouvantable vérité. Mais était-ce possible, mon Dieu, était-ce possible ? Hubert, cependant, s'était approché de lui et, doucement, lui disait « Qu'y a-t-il, mon bon Rodolphe ? Ah, c'est vrai, je ne t'avais pas raconté cela. J'ai eu peur de te chagriner, tu l'aimais bien aussi, et tu as été si gentil avec moi, me consolant, venant chaque jour mêler tes larmes aux miennes. » Il le couvrait de ses yeux de sauvage, son petit corps débile penché sur le colosse terrassé. Et il prononça « Écoute, Rodolphe, j'ai un service à te demander. Jusqu'ici, j'ai eu la constance de conserver la clé, mais vraiment, ce dépôt me gêne. Et puis, j'ai attendu assez longtemps. Garde-la, veux-tu ?» Il écarta les plis de sa chemise. À son cou, au bout d'une chaîne, contre la peau, pendait une petite clé, toute rouillée, couleur de sang.